Allez, c'est parti. Je vous remercie de me recevoir hein, dans votre bureau, Merci. dans votre caverne. Ça travaille ici, hein? Oui. Qui est bazar, comme on dit. Ah ben oui, c'est depuis longtemps. Ouais, ça fait. J'avais vu une trentaine d'années que vous travaillez Oui. ici, précisément dans le Non, quartier? non, non, non. J'ai travaillé depuis 89 et j'ai commencé pas si loin d'ici, sur le boulevard de Midi, avec un maître de stage, le docteur Albert Goldman. Donc c'était en 89. Oui. Ouais, ça fait plus de 30 ans. Oui. Voilà. Bon, ben, moi, pourquoi je vous rencontre? Vous êtes docteur, hein, on l'a dit. Je ne sais même pas si on l'a dit, docteur Bête, en fait. Voilà. Hein? Bonjour, bonjour. Voilà. Et j'avais envie de vous rencontrer parce que, quand même, cette histoire de Covid, cette histoire de crise, cette histoire de passe sanitaire, cette histoire de vaccin. Quelle histoire, quoi. Ça, c'est vraiment. Ça pose plein de questions. C'est peut-être quelque chose pour nous ouvrir les yeux. Tout ce virus, hein. Ça ouvre les yeux sur d'autres choses dans notre société que finalement ne fonctionnaient pas si bien. Et donc nos institutions doivent un peu revoir la copie pour mieux protéger la population. Oui, si c'est vraiment son but de protéger la population, ça reste encore, c'est compliqué, quoi. Mais en tout cas, voilà, C'est moi je. notre société, c'est nous qui choisissons notre société. Tous les jours, nous créons notre réalité, et nous le faisons ensemble et nous choisissons nos institutions, nos leaders. C'est nous qui les choisissons aussi. Donc, je suis plutôt pour qu'on travaille pour que ce genre de dysfonctionnement n'arrive plus jamais. Et ce qui est arrivé maintenant en Belgique, c'est gravissime. C'est tout à fait gravissime. C'est arrivé pas seulement en Belgique, c'est arrivé dans le monde entier. Et on a laissé l'argent parler trop fort dans des questions qui concernent notre santé. Mais oui, vous avez raison, j'allais commencer comme ça aussi. C'est pas depuis le Covid qu'il y a de la corruption, que l'argent est roi. Mais là, c'est énorme ce qui s'est passé parce que ça nous touche tous directement dans nos vies, en fait. Réellement, réellement. Et j'avais envie, oui, voilà. Et donc, on peut voir que vous, Éric Bête, vous êtes mobilisé, vous avez bougé par rapport à C'était un petit peu bougé, parce qu'on avait bougé aussi en 2009. On a vu exactement la même chose se passer en 2009 et les mêmes acteurs qui étaient à l'œuvre maintenant en 2020. Qu'en 2009. Donc, on comprenait déjà un petit peu ce qui était sous-jacent. Et je pense que les médecins qui étaient réveillés en 2009 voyaient bien ce qui arrivait. Et donc, on faisait quand même un peu plus attention que d'autres médecins qui n'avaient pas tellement questionné. Parce que même au Parlement européen, on a vraiment condamné la gestion de la crise de H1N1 en 2009 comme étant lamentable et qui a plutôt mis la population en danger qu'aider la population. Donc il fallait vraiment déjà à ce moment-là revoir la copie et en tant qu'une société démocratique, à faire très attention que ça n'arrive plus jamais. Eh ben ça, on a marché. On a fait des très grandes erreurs ici, donc. Qu'est-ce qui s'est passé dans les grosses lignes? Parce que moi, je ne suis pas au courant avec la H1N1. Bon, Dans les grosses lignes. dans les grosses lignes, on a changé la définition de ce que c'est une pandémie. Donc, tout d'un coup, 10 jours avant, on a changé la définition et on a dit qu'il fallait pas que ce soit très fort mortel. C'était juste qu'il y a une grande sorte d'épidémie qui touche beaucoup de pays en même temps. Et ça soit la définition d'une pandémie. Avant cela, c'était quelque chose avec une très grande mortalité. Cette mortalité, on l'a eue maintenant, c'était quand même assez grave. Mais je pense que beaucoup de la grosse mortalité qu'on a eue, c'est parce qu'on n'a pas soigné nos malades correctement. Et donc, il y avait une sorte de message qui est sorti qu'il n'y avait pas de traitement. Mais pour la H1N1, parce que essayons de ne pas tout mélanger, parce que moi, je redemandais en 2009. Je tutoie facilement. Hein. Tu disais qu'en gros, il y a quelque chose de similaire qui s'est passé avec la crise Covid. Oui. Et moi, je te demandais dans les grosses lignes de dire c'était quoi les grosses lignes. Parce que tu as l'air de dire que oui, on a compris, on a déjà vu en 2009, il y avait quelque chose qui n'allait pas. En 2009 aussi, donc, ça a été utilisé, la crise, comme une carte blanche pour les firmes pharmaceutiques de développer des nouvelles technologies de vaccination en masse. Mais ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Les vaccins qui ont été développés étaient de très mauvaise qualité et qui ont fait du tort à la population vaccinée. Ici, c'est la même chose et c'était de nouveau une carte blanche pour essayer de nouvelles technologies. Et en fait, c'est une sorte de... Mais qu'est-ce qui n'a pas marché en 2009? Comment ça se fait que ça n'a pas pris, que ça n'a pas été comme la crise 2020, donc la crise du Covid qu'on connaît, quoi? Ben, heureusement, en fait, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'il y avait des brevets sur la souche de du virus qui était utilisé en 2009. Elle contenait trois souches pandémiques dangereuses, en fait. Hein. Et donc, ça, c'était la génie humain qui était derrière cela. Il y avait des brevets aussi. Et en fait, comme par hasard, il y avait aussi tout de suite des vaccins qui étaient développés pour en faire face. Mais heureusement, très rapidement, après que ça a commencé à se développer avec une grande mortalité au Mexique, très très rapidement, la mortalité a chuté. Et ça, c'est le changement inhérent au virus lui-même, en fait. Hein. La mortalité a chuté par rapport à la grippe ou par rapport au... La dangerosité du virus a rapidement diminué suite à des mutations qui ont eu lieu. Naturellement, du coup, alors? Oui, tout à fait naturellement. Et ça c'est une chose que le virus... Si elle tue toutes ses victimes, elle se répand moins vite. Quand il y a eu plus de personnes chez qui elle peut se promener dans les voies respiratoires supérieures, elle se transmet beaucoup plus à une plus grande population. Elle vit, elle s'épanouit encore mieux. Et quand elle s'épanouit, finalement, les gens sont auto-vaccinés. Ils sont en contact avec ce virus-là, ils apprennent à le gérer et finalement, après peu de temps, les gens sont généralement auto-vaccinés, si on veut, par la présence d'une souche virale qui circule. Et c'est comme ça que ces virus ont leur vie et que souvent, donc, quand il y a ce qu'on appelle un herd, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont immunisées, qui ont une bonne immunité, elles ne se répandent plus. Non, mais ma question, on va essayer de tenir. Qu'est-ce qui fait qu'en 2009, ça n'a pas été la même histoire qu'en 2020? Qu'est-ce qui fait que ça s'est arrêté, que tout s'est stoppé? Moi, je n'ai pas suivi à l'époque. Oui, oui. On avait essayé à cette époque-là donc, de lancer des vaccinations dans le monde entier. On avait même ici en Belgique, on avait planifié de vacciner dans les cours de récréation, comme si on faisait une élection, et de vacciner de force toute la population. Et finalement, il y a eu de la résistance qui est arrivée même au niveau des rédactions de l'RTBF, de la RTL, les personnes qui travaillaient dans les médias étaient inquiètes pour leurs propres enfants parce qu'ils se rendaient compte que la qualité de ce vaccin n'était pas terrible. C'est grâce à eux, à ce moment-là. Grâce à qui? Aux médias? Aux médias. Non. Mais je vous assure, ils ont, en Belgique, je pense que, en Belgique francophone, il y avait peut-être 1,6% de la population qui a pris cette mauvaise vaccin du H1N1. Du côté néerlandophone, il y avait 10 fois plus parce que sur leur télévision, ils en parlaient tout le temps comme si c'était la grosse chose qui allait sauver tout le monde de se faire vacciner. Mais ce n'était pas le même discours à la télévision francophone. Et donc, finalement, on se rendait compte à l'époque que ce virus n'était pas si dangereux que ça et que ça ne valait pas la chandelle du danger d'essayer ce nouveau produit qui était seulement en autorisation d'urgence. Maintenant... Mais donc, c'est les médias. Oui. Mais c'est aussi, j'imagine, le politique qui, à ce moment... Enfin, qu'est-ce qui fait, voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais, 2020, ça marche tout ça, quoi. Je crois que les personnes qui avaient intérêt à organiser ce genre d'événement, ils ont très, très bien compris. C'était une sorte de practice run en 2009. Ça veut dire quoi en français? Moi, je ne suis pas doué ni en flamand ni en anglais. C'était une sorte de... on essaye pour faire fonctionner la machine et voir qu'est-ce qui c'est une sorte d'essai pour ce qu'on a fait. En 2009? Oui, oui, oui. C'est comme ça que vous le traduisez? Ben oui, mais c'était 2009 était une sorte de préparation pour cette grande essai de vacciner en fait pratiquement le monde entier. Alors, quelle est la raison pour cela? Nous, on ne sait pas. On ne sait pas. On peut seulement avoir beaucoup on peut se poser la question pourquoi et qui a intérêt qu'on essaye de vacciner tout le monde? Je pense que beaucoup là-dedans, c'est de digitaliser chaque personne. Et donc, digitaliser? Oui. Donc, ça veut dire? C'est-à-dire que chaque personne soit liée à un chiffre et que cette chiffre l'identifie partout où il va. À l'intérieur de son corps, du coup, alors? Eh bien, c'était un rêve de certaines personnes de pouvoir créer cela. Je pense que c'est progressif tout cela, mais il faut dire, même en Belgique, que ça a servi à une digitalisation extraordinaire de la médecine. Toutes les personnes maintenant sont sur un réseau de santé, dossier médical est très facilement consultable sur le net maintenant. Et c'est assez extraordinaire, soi-disant avancées qui se sont passées de ce côté-là. Mais je dirais que l'idée avec cette vaccination avec les RNA était même beaucoup plus que cela. Et donc, Pourquoi tu parles au passé? Je pense qu'il y a eu beaucoup de différents désirs par rapport aux planificateurs de cette crise. Okay? Donc, il ne faut pas croire que cette crise est venue de nulle part. Nous savons que le virus cette nouvelle virus coronavirus, elle a une histoire de génie synthétique. Donc, elle a été créée. Et beaucoup de personnes qui ont été involvées dans Moderna ou même chez Pfizer, on peut trouver ça maintenant dans certains livres qui sont publiés maintenant. On peut tracer leur implication jusqu'à dans la fabrication de ce virus. Hein. Donc, là, je n'ai pas compris ce que tu veux dire. J'ai perdu moi aussi mon fil. Mais là, c'est bien, on rentre tout de suite dans le cœur du sujet, quoi. Quoi, c'est pas une histoire de pangolin, hein, tout ça? Non, non, non. C'est pas... Et d'ailleurs, donc, les... on a essayé de discréditer les médecins qui ont expliqué que cette virus était de synthèse artificielle, mais si on regarde les personnes qui ont travaillé pour discréditer, on trouve un peu le clic des personnes qu'il faut suspecter, en fait. Et donc, qui sont liées aux productions de ces vaccins, qui sont liées aux productions de ce virus. Et donc... J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui osent dire tout haut qu'est-ce qui se passe, en fait. Parce que c'est ça qu'on a du mal à comprendre, je trouve, même dans les médias alternatifs. On parle du vaccin, on explique pourquoi ce vaccin est obligatoire. On explique la chimie, que c'est de l'ARN. D'ailleurs, monsieur et madame, tout le monde n'y comprend rien du tout, parce que, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on est obligé de croire les docteurs. Et il y a des docteurs comme vous qui parlaient un peu alternativement, comme ça, qui avaient un discours un peu qui n'est pas dans la masse. Vous voyez ce que je veux dire? Tout d'abord, ce vaccin n'est pas obligatoire. Absolument pas. C'est un vaccin totalement expérimental avec une toute nouvelle technologie. Et vous permettez, hein, je vous coupe souvent parce que il faut que sinon on répète tout le temps. Mais comment moi j'ai envie de vous croire, vous, parce que moi j'ai aucun bagage scientifique. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous savez que c'est un vaccin? Comment vous avez dit? Synthétique. Non, oui, vous avez dit expérimental. Ah ben, ça c'est clair, c'est une toute une nouvelle technologie. On n'a jamais utilisé ce type de système vaccinatoire. C'est totalement expérimental comme philosophie de vaccination. Et probablement, on s'est fameusement trompé, c'est-à-dire si on voulait réellement augmenter l'immunité des personnes contre le coronavirus, on n'aurait pas du tout utilisé cette technologie-ci. Donc cette technologie, on le voulait pour d'autres raisons et pas pour la vaccination. Mais l'introduction de ce virus a été une manière de commencer une nouvelle ère d'introduction de matériel génétique chez l'homme, en fait. Hein. Ça veut dire quoi, ça? Concrètement, pour qu'on comprenne bien. Concrètement, il y a des certaines personnes qui aimeraient prendre plus de pouvoir sur le vivant. Encore? C'est déjà pas mal, hein? Oui, on a Monsanto, on a d'autres. Mais ici, c'est vraiment tout un terrain d'expérimentation, d'injecter des instructions génétiques chez les personnes. Et donc, cette nouvelle technologie de l'emballer dans de petites boules de polyéthylène glycol et de le envoyer dans les noyaux de cellules, c'est tout à fait nouveau, en fait, hein. Mais quoi, vous docteur, hein, vous intéressez à tout ça, vous avez le langage pour comprendre, est-ce que vous avez vous-même vérifié? Parce que sinon, on répète, mais on répète quelque chose comme ça qu'on a entendu, et voilà, on est un peu perroquet, quoi. Mais est-ce que vous êtes vraiment intéressé? Je sais que c'est un peu rigolo, ma question, mais c'est parce que il y a plein de gens qui n'y connaissent rien. Donc, comment on fait? En fait, c'est réellement une grande ruse d'avoir appelé ce produit un vaccin. Parce que ça ne remplit pas les critères d'un vaccin. C'est tout d'abord une toute nouvelle technologie. Et comme nous avons maintenant fait l'expérience, elle ne vous protège pas contre la transmission du virus. Elle ne vous protège pas nécessairement contre l'attraper, bien qu'il y ait une sorte certaines études essaient de montrer qu'elle fait que vous allez avoir une forme moins sévère. À la longue, avec toutes les boosters qui viennent après l'un et l'autre, parce que très rapidement, l'efficacité de ce vaccin disparaît. Et d'ailleurs, si tu regardes sur l'effet sur la mémoire des cellules T dans l'immunologie, finalement, l'effet de ce type de vaccination RNA donne très peu d'effet immunitaire sur les cellules T. Donc, elle donne seulement, en fait, ces anticorps spike qui disparaissent après un certain temps. Et nous retrouvons avec une de moins en moins bonne immunité. Et donc, on a vu... Mais pour quelle raison? Moi, je fais l'avocat, évidemment. Oui. Mais pour quelle raison on voudrait qu'on nous injecterait quelque chose qui fait qu'on est en moins bonne santé, on peut moins se défendre? Ça veut dire qu'on serait dépendant de ce produit? Il y a eu des sortes de volonté d'introduire ce type de vaccination RNA dans le programme de vaccination des enfants. C'est beaucoup de vaccins que les enfants reçoivent déjà. Et 11 ans. Quoi? 11 vaccins. Oui. Mais l'idée, ça sera d'avoir une sorte de vaccination obligatoire et une fois par an. Chez les enfants déjà. Et c'est de l'argent, c'est en fait un business. En fait, hein. Tout ça, c'est une création d'un business. Mais c'est aussi une création d'une nouvelle type de médecine où on interfère avec notre ADN. Donc on interfère avec le vivant, en fait. Hein. Et, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que... on n'a pas du tout eu des discussions éthiques sur ces choses-ci. Mais c'est une chose qui est une horreur, en réalité, d'un point de vue éthique, et qui doit être discutée. Et on n'a pas eu non plus aucune donnée sur la sécurité à long terme de donner ceci à des personnes qui vont encore avoir des enfants plus tard. Mais expliquez-nous pourquoi c'est une horreur, parce que ça a l'air évident pour vous, mais ouais, essayez avec vos mots pour qu'on puisse nous comprendre sans rentrer dans la chimie et dans les noms compliqués scientifiques, mais pourquoi une horreur? Pour essayer de comprendre, peut-être imager les choses pour qu'on comprenne. Une horreur parce que on ne donne pas... si on est médecin, on ne donne pas à des enfants un produit non expérimenté qu'on n'a pas, même pas les données sur les animaux. Quelles sont les études sur la tératogénicité, sur par exemple s'il y aura des effets sur les enfants qui seront nés par des mères qui ont reçu ce type de produit. On n'a aucune idée de cela. On est dans un terrain et on ne fait pas ça si on est médecin. Si on a une formation de médecin avec des cours d'éthique, on ne fait pas ça. Et donc maintenant, quand on a des pédiatres qui donnent ce produit à des enfants, il faut vraiment se poser la question dans quelle université est-ce qu'ils ont été formés, comment est-ce qu'ils ont pu arriver à des dérives aussi graves. Parce qu'on n'a aucune donnée. On sait que les enfants n'ont pas besoin de ce produit. Les enfants ne font pas des formes de coronavirus graves. C'est vrai que ce virus a été créé pour faire des dégâts, pour faire des choses qui donnent peur à la population. Donc, qui est mauvais pour la santé. Donc, il a fallu, ça demandait qu'on soit soi-disant protégé contre cela. Mais on ne sait pas du tout si ces produits qui nous protègent sont bons à donner à des enfants. On n'a aucune donnée là-dessus. Mais comment ça se fait qu'il n'y a aucune donnée? Mais parce qu'on n'a pas fait les études sur les animaux. On n'a pas fait les études générationnelles sur ces produits. Donc, il faut d'abord ces données avant qu'on puisse le donner à des enfants. On n'a aucune donnée là-dessus. On pense que ça diminue la fertilité des femmes qui le prennent. Et pour la prochaine génération, on n'a aucune donnée. Il faut se rappeler de la thalidomide, des autres choses. Ici, quand on travaille avec ce genre de produits, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent aller de travers parce que le spike protein, elle se plie, elle va à l'intérieur du noyau des cellules, en fait. Elle est produite à l'intérieur de la cellule par cette produit qui arrive à l'intérieur de la cellule. Et donc, elle va vers, une partie va vers le noyau de cellules. Elle se plie sur notre ADN. Elle influence les enzymes dans nos cellules. Et on ne connaît pas assez sur ce produit. Donc, il faut vraiment faire attention, surtout pour les enfants. La raison que j'ai bien aimé que vous venez aujourd'hui, Kratzelia, c'est parce qu'il y a une urgence en Belgique d'arrêter de donner ce produit à nos enfants. Ce n'est pas une chose acceptable de donner cette chose. Mais quoi, plus les enfants que les adultes? Oui, ça c'est peut-être ta fille. Ouais, à mon avis. Je mets sur 3, 4, ben on reprend, hein, puisque ça a sonné à ce moment-là. On continue. Oui, j'avais posé la question, les enfants, plus que les enfants que les adultes? Absolument plus les enfants. Nous, dans l'éthique, nous, les adultes, nous sommes totalement responsables de ce que nous prenons. Et je vous rappelle que jusqu'à présent, ce vaccination RNA contre le Covid en Belgique n'est absolument pas obligatoire. Chacun qui l'a fait, il l'a fait soi-disant pour sa santé ou pour partir en voyage ou pour faire plaisir à son patron, mais il n'est pas obligatoire. Et heureusement, parce que c'est un produit expérimental et personne n'a le droit de vous forcer à prendre un produit expérimental. Maintenant, elle est expérimentale, elle est autorisée dans la mesure que notre pays est sous une énorme menace hyper dangereuse, que tout le monde risque de mourir à cause d'un virus et qu'il faut absolument un traitement expérimental pour arrêter cela. Et qu'il n'y a aucun traitement possible pour traiter ce virus hyper dangereux qui va tuer tout le monde. Okay? Mais là, c'est aussi une des doxas qui a été lancée avec toute cette opération et qu'il n'y a pas de traitement et que c'est un virus hyper dangereux et il n'y a pas de traitement. Le fait de dire qu'il n'y a pas de traitement, c'est un mensonge. Et mais ça, c'est énorme parce que toi, tu dis des choses, bah oui, mais pour revenir au tout début, tu te rappelles, on parlait de la grippe H1N1. Oui. Là, tu disais que les médias n'avaient pas pris la chose. Ben, là, par exemple, cette fois-ci, les médias ont pris carrément position. Oui, parce que je pense qu'on a mieux préparé une contrôle. Quand tu dis « on », c'est le qui le « on » ? Ah, les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et qui ont instrumentalisé cette crise. Ils ont créé du côté de la BBC une petite source qui s'appelait « Trusted News Media ». Et d'ailleurs, quand vous m'avez demandé qui avait porté plainte sur moi, ce n'est pas mes patients, ce sont des personnes qui travaillent avec cette Trusted News Media, semble-t-il, qui veut avoir une sorte de contrôle sur ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Et donc, ces médias qui ont signé le pacte avec cette Trusted Media, ils ont, et je pense même en Belgique, comment on appelle ça, il y a une sorte de pacte avec l'audiovisuel, une sorte de... Association des journalistes professionnels, rien à voir. Oui, mais donc pour... pour dire que les médias qui reçoivent des subsides ne doivent pas aller en dehors de certaines règles. Oui, un peu comme l'ordre des médecins, du coup, alors. Oui, je pense. Et lorsqu'il y a une pandémie, un grave danger pour la santé, sorte de pacte pour l'audiovisuel, ils ont des instructions. Et les instructions, cette fois-ci, c'était que tout qui ne va pas dans le sens d'une vaccination de masse, c'est de la désinformation. Ah oui, ça, c'est super puissant. Ça a bien fonctionné. Hein. Ça a bien fonctionné cette fois-ci. Ça ne fonctionnait pas en 2009. Mais cette fois-ci, ça a fonctionné. Ils ont suivi les règles qui étaient données, et y compris les médecins. Et donc, nous, du côté de notre ordre de médecins, ils ont sorti une sorte de règle le 23 janvier. Une directive, quoi, c'est ça, hein? C'est ça, qui est un avis pour dire que, attention, ce virus est hyper dangereux et que la seule manière de retourner à la normale, c'est que pratiquement tout le monde se fasse vacciner. Donc, attention, ce que vous dites avec vos patients, si ça s'avère que vous dites des choses qui n'encouragent pas la vaccination de tout le monde, vous risquez d'être sévèrement puni. Et vous avez été grillé. Mais semble-t-il qu'on a utilisé cette règle pour dire que j'aurais fait des erreurs déontologiques. Mais ce n'est pas une erreur déontologique de être un médecin et d'expliquer que parfois il faut être prudent, surtout par rapport à des nouveaux médicaments qu'on n'a jamais essayés dans le passé et qui maintenant sont donnés à tout le monde, y compris des enfants, mais qui peuvent donner plus de problèmes que de bien. Mais donc parce que vous avez eu un avis qui n'était pas comme les politiques voulaient, comme les médias, c'est-à-dire pour la vaccination, comme vous venez d'expliquer. Oui. Vous avez eu des ennuis ? J'ai été plusieurs fois invité à m'expliquer à l'ordre sur mes positions. Et chaque fois, j'ai bien expliqué. Mes confrères m'ont bien écouté. Et donc, j'avais l'impression qu'ils me comprenaient. Mais à la longue, ça, suite à une sorte de passation en appel, ils ont quand même pris une décision qui n'était pas favorable pour moi. Et donc, je dois aller en cassation sur cette. Pour pouvoir continuer à soigner mes patients, je dois aller en cassation parce que finalement, l'ordre maintient que j'ai fait de la désinformation. Mais quand on regarde les vrais chiffres maintenant, ce que nous avons mis en garde en janvier, février, les dangers qui existaient, si cette vaccination était réellement nécessaire et si elle était réellement efficace et si elle était une bonne, s'il avait suffisamment de sécurité, toutes nos questions qu'on a posées à ce moment-là, c'était des questions absolument importantes à poser pour tout médecin qui veut le mieux pour ses patients, en fait. Hein. Donc, il faut, si on est médecin, il faut rester l'esprit ouvert et se poser des questions, même si le gouvernement a une autre position. Donc, oui, mais le gouvernement, il n'est pas médecin. Exactement. Monsieur Van den Broek n'est pas un médecin. Mais c'est dingue, et ça. Je pense que les gens doivent se rendre compte aussi que les personnes qui ont lancé cette campagne, qui ont lancé les doxas, par exemple le doxa qu'il n'y a pas de traitement contre ce virus, que ce virus est hyper dangereux, que seulement des vaccinations de masse étaient capables de pouvoir faire retourner la société à une société normale. Tout ça, ce sont des choses qui ont été lancées par des non-médecins. C'est des groupes d'influence qui ont lancé cela. Mais ça, du coup, c'est facile à démontrer, ça, oui. Quand on a une discussion ou même un procès, ou c'est facile à démontrer, ça. Normalement, oui, je suis confiante qu'en cassation, on me donnera raison, mais En attendant, c'est quand même beaucoup de travail pour moi de devoir faire face à mes confrères qui en fait ont été trop prises par cette information très unidirectionnelle. En fait, ils ont seulement cru les rapports qui arrivaient sur certains journaux qui étaient justement faits par cette trusted news media, mais qui cette trusted news media était en fait tout ce qui était financé par les industries. Et donc, c'était pas des vrais chiffres alors. Tout ce qui ne rentrait pas dans cette idée de favoriser la vaccination de masse, eh ben c'était justement jamais repris dans ces médias-là. Et donc, il fallait vraiment chercher les experts de épidémiologie, les experts de traiter ce genre de virus, et les médecins qui ont écouté les bons médecins qui avaient des bons résultats pour traiter, on était tous d'accord qu'on était menés en bateau par l'argent ici. Okay? Et donc, il faut pas... La médecine, c'est mieux que ça. La médecine ne doit pas suivre l'argent et la relation de patient-médecin. Il demande quand même que le médecin reste maître pour au-dessus des valeurs de l'argent, en fait. Hein. Ça me fait rire, ça, parce que pour moi, les médecins, c'est un gros souci dans notre société. Alors aujourd'hui, on voit que ça explose. Mais justement, c'est une bonne occasion pour revoir comment fonctionne l'université et comment fonctionne notre recherche en médecine. Elle fonctionne pour créer des profits. Et elle doit être plus axée vers la bonne santé, en fait. Hein. Et s'il y a moyen, et si la population voudrait une médecine comme ça, on pourrait l'obtenir. Ce n'est pas obligé que ça reste, qu'on reste dans la poisse actuelle. On peut... Alors, il faut changer notre alimentation, il y a plein de choses à changer. Qu'est-ce qui fait... Il faudra aussi vraiment revoir l'université, comment l'université donne ses cours et comment, sur quoi est-ce qu'on met l'accent le plus important. Il faut revoir les cours d'éthique pour que ce genre de dérive qu'on a eu maintenant à donner ce produit expérimental à des enfants, que ça n'arrive plus jamais. Parce que vous êtes d'accord, docteur Bette, que ce n'est pas depuis aujourd'hui. À mon avis, vous êtes déjà critique avant le Covid, quoi. Vous êtes déjà quelqu'un qui vous posait des questions, non? Il faut parfois avoir un petit peu de nuance, de voir d'où vient l'argent, en fait. Et quand il y a beaucoup, beaucoup d'argent, ça transforme un peu les vérités, semble-t-il. Donc, il faut avoir une petite notion. Maintenant, il existe des livres extrêmement intéressants qui sont à consulter sur... comment cette crise-ci a eu lieu. J'invite vraiment les personnes à chercher cela. Donc ici, j'ai le livre de The Real Anthony Fauci. Ça existe maintenant depuis Saint-Valentin en français aussi, avec un préface par le professeur Christian Perron. Christian Perron, qui a été un voix de raison pendant toute cette période et qui est une grande inspiration pour moi, parce qu'un de mes travaux, c'est d'aider les personnes qui ont la maladie de Lyme. Et donc, c'est vraiment notre... Tous les jours, c'est d'aider à soigner des infections. Infections virales, infections difficiles à soigner. Et je vous dis, en fait, que maintenant... des médecins qui soignent des infections, ils auront beaucoup, beaucoup de travail parce que les gens qui sont vaccinés ont moins d'immunité que les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, on a ici en face de moi, il y a une école où tout le monde a dû se faire vacciner parce que sinon, ils ne pouvaient pas être acceptés dans leur stage. Eh bien, ils ont des infections maintenant. Donc, et je pense que on sera dans une situation où il faut vraiment, pour être médecin, devenir un bon infectiologue. Mais j'espère qu'on va aussi dans le futur ne plus permettre ce genre d'expérimentation qu'on a eu cette fois-ci, en fait. Hein. Bah oui, mais on est un peu au cœur de ce débat-là. Hein. Les gens ne se laissent pas faire. Mais c'est bien. C'est bien. Mais encore, ce n'est pas la masse, hein, puisqu'on apprend quand même qu'au tout début de la première vaccination, il y a 80% de gens qui se sont fait vacciner. Oui, c'est énorme en Belgique. Hein. parce que finalement, mais je pense que c'est parce que les médias étaient tellement unis, avaient un seul message, et les médecins critiques, on ne les entendait pas. Et ils étaient enlevés de Facebook, de LinkedIn, de tout ce que tu veux, parce que justement, ces mêmes réseaux, ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Ils ont des intérêts dans les industries vaccinatoires aussi. Je pense que... Ben, si on va chercher vraiment où va l'argent, c'est assez extraordinaire. C'est la chose à faire maintenant. Il y a les publications de Dr. David Martin qui va vraiment chercher les brevets qui sont derrière cette crise-ci. Et il faut vraiment retourner voir qui... avait intérêt dans tout cela, en fait. Il y a beaucoup de publications très intéressantes qui vont sortir maintenant. Et ça sera du travail pour les prochaines cours en éthique médicale, d'éviter que ce genre de dérive arrive dans le futur. C'est marrant parce que ça fait comme si c'était réglé, quoi, cette histoire-là dans laquelle on est. Ça fait comme si... On ne peut pas accepter. Ce qui est arrivé maintenant, c'est totalement inacceptable. Mais vraiment totalement. Et je suis d'accord avec vous, hein, mais donc, c'est pas fini. Combat n'est pas fini, le combat n'est pas gagné. On commence peut-être à entendre un peu plus un autre discours. Vous savez, si vous êtes médecin cardiologue et que vous voyez une après l'autre des nouveaux infarctus arriver chez des personnes qui sont vaccinées ou des médecins oncologues qui voient que les patients vaccinés, ça ne va pas très bien avec leur traitement. Mais si maintenant tu vas forcer ces médecins-là à se vacciner eux-mêmes, ils vont dire non, c'est pas une bonne idée. C'est tout simplement pas une bonne idée. Donc, tu ne peux pas cacher ces choses-là. Ces choses-là vont sortir. Et donc, qu'est-ce qui va sortir ? Qu'on ne fait pas réellement de la bonne médecine avec ce type de vaccination à la mRNA qu'on a choisi de faire en Europe, en tout cas. On est malheureusement en train de diminuer l'immunité chez nos patients, et ça comptera aussi pour augmenter le risque en cancer si on continue. Donc il faut vraiment faire machine arrière et revoir la copie. Et comment on fait ça? Eh bien, il faut, vous n'allez pas voir des médecins en train de se donner le booster ou le quatrième vaccin. Je vais voir des médecins comme vous. Vous n'allez pas les voir, ils ont compris, mais ils avaient été mal informés, en fait, hein, et ils n'ont pas eu l'information correcte. Ah oui, d'accord, vous pensez que, oui, il y a des parties de docteurs qui ne se sont pas trop posées de questions. Non, justement, c'est l'argent qui a parlé jusqu'à présent, mais maintenant, c'est la vraie médecine qui va parler, c'est les cas. Et les cas, on voit bien que ça n'aide pas beaucoup, ces vaccinations, en fait. Hein. Oui, c'est l'argent qui a parlé, c'est la peur aussi, c'est le conformisme. J'imagine qu'il y a plein de raisons. En gros, c'est le business. J'ai appris ça, hein, je savais pas, le business de la pharmacie est plus gros que l'armement. Oui. C'est vous qui avez dit ça. Ben, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, c'est-à-dire, surtout en ce qui concerne l'argent, ce qu'ils appellent les Américains l'argent douce qui va vers les politiciens. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup les firmes pharmaceutiques qui donnent l'argent douce dans la politique. Et donc, on n'est pas très surpris quand les politiciens laissent passer ces horreurs. Hein. Mm. Ouais. Et je lisais ici, c'est Luc Henry, président de l'APSIM, oui. Association des syndicats médicaux, oui. qui disait, voilà, c'est un avis, hein, oui. l'ARN n'est pas plus dangereux que l'ADN. Et l'ADN, on l'utilise depuis Mathusalem pour vacciner nos enfants. Allons de l'avant. Vous avez lu ça? C'était dans une vidéo RTL. Voilà, c'est cette vision et la vôtre, quoi. Hein? Je suis plutôt beaucoup plus prudent avec ce qu'on va donner à nos enfants. Et ceci, c'est une technique totalement expérimentale qu'on n'a pas du tout fait les études. Ouais, vous le disiez au début, mais qu'est-ce que je voulais dire, moi, avec ça? Ah, j'ai perdu mon fil. Mais en fait, il y a énormément de choses à se poser question. Et le médecin qui donne quelque chose à son patient, il doit le faire en toute connaissance de cause. Il doit vraiment savoir ce qu'il est en train de donner et avoir une bonne idée de la sécurité de ce produit. Et ici, si nous regardons réellement chaque personne qui a été vaccinée en Belgique, qui était le médecin qui a pris la responsabilité? Qui a prescrit le vaccin? Qui a prescrit? Médecins traitants. Mais non. Ça aussi, c'est dingue. Et en plus, ce sont des choses qui ont un énorme effet sur la personne. Beaucoup de personnes qui reçoivent ce vaccin maintenant, ils ont des effets suite au vaccin. Mais qui est responsable de cela? Donc, nous, notre travail devient plus difficile en tant que médecin parce que nos patients ont des problèmes qui étaient liés à leurs problèmes de départ. Mais maintenant, il y a le vaccin qui s'ajoute à cela. Et ça donne un tableau plus compliqué pour nous à soigner. Dans l'homéopathie, on parle de la psychose. Quand les problèmes viennent une crêpe sur une crêpe sur une crêpe sur une crêpe sur une crêpe et que les choses sont cumulées, c'est plus difficile de soigner ces patients, en fait. Hein. C'est plus facile de soigner une personne saine qui fait un problème que quelqu'un qui a eu 36 000 solutions injectées sur eux. Et je pense que le bon plan pour la santé, c'est d'effectivement trouver une manière de retourner vers la bonne santé qui ne nécessite pas toutes ces injections diverses, en fait. Et quoi, au début, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, au début, vous parliez, parce qu'on comprend bien que le vaccin, c'est un gros chiffre d'affaires, c'est un gros business, ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est qu'au point de vue santé, c'est mauvais, selon vous. C'est mauvais, on vous injecte quelque chose qui est mauvais, quoi, qui va abîmer votre intérieur. Si vous me demandez de faire une projection vers le futur, je pense qu'il y a quand même 85% de chances que quand on signera un contrat de solde restant dû pour un emprunt de maison dans le futur, que les pourcentages à payer seront augmentés selon si vous êtes vacciné ou si vous n'êtes pas vacciné. Donc augmenter parce qu'il y a plus de problèmes assis attendre chez des personnes qui sont vaccinées. Mais comment ça, vous êtes sûr de ça? Parce que c'est mon pratique d'aujourd'hui. C'est ce que je vois aujourd'hui dans mon pratique quotidienne. Maintenant, je ne vous promets pas que ça arrivera comme ça. Ça serait peut-être plutôt dans les pays qui sont très vaccinés, les assurances soldes restendues seront 40% plus chères que dans les pays qui ne sont pas très vaccinés. Okay? Donc, et ça, il n'y aura pas de remise chez les non-vaccinés. C'est dingue ce que vous dites. Mais c'est un peu la réalité, ce qu'il faut s'y attendre actuellement. Et donc, les pays qui ont vacciné le plus ont eu une augmentation de la mortalité qui est visible dans les paiements des assurances-vie. Ah ouais, vraiment? Ouais. Donc, on est là, à ce moment-là, et tu ne peux pas te cacher ces chiffres-là indéfinitivement. Hein. Donc, ça va se faire savoir et il faut... s'asseoir autour d'une table et essayer de résoudre les difficultés pour revenir à une bonne pratique médicale. Ben oui, mais moi je crois que c'est pas gagné hein, parce que ça a l'air. Oui, heureusement il y a des gens qui se battent, qui laissent pas faire, mais c'est pas si simple que ça. Je crois qu'on est quand même bien englué dans quelque chose qui est aujourd'hui mis en avant avec cette crise Covid, mais c'est là depuis déjà pas mal d'années derrière nous, quoi. Plus optimiste que vous, que je pense que ce virus, elle nous révèle quelque chose qui était là et que il y avait beaucoup, beaucoup de mensonges dans nos médias, en fait, hein, déjà avant, oui. OK. Et la mais médecine était mensonges ne sont comment pas dire bons. Attendez, la médecine était aussi bien en lien avec le business, tous les médicaments, enfin voilà. Ça a toujours existé, oui. C'est clair. Mais ces mensonges n'étaient pas bons pour notre mental collectif. Et les universités participaient à ces mensonges. Et maintenant, au fil du temps, maintenant, il faut un petit peu aller de retour, et je pense que c'est une chose pour les historiens aussi, de revoir toute cette la guerre contre la terreur, des choses comme ça. Bon, on apprend maintenant dans les livres d'histoire que ce sont il y a des choses totalement inexactes qui sont enseignées dans nos livres d'histoire. On le sait bien, ça. On le sait bien, mais on ne peut pas continuer comme cela. Parce que, je veux dire, c'est quand même l'histoire, c'est quelque chose de sacré. Et c'est plus intéressant d'être dans la réalité. Et quand on fait de l'éducation de nos enfants, être dans le réel, et dans le... c'est très bon pour notre santé mentale, en fait. Et de plus en plus, on voit des gens qui sont de plus en plus éloignés de la vérité, du réel. C'est certainement pas bon pour leur santé mentale. Okay? Ben moi, je suis d'accord, mais c'est pas si simple que ça d'être de vous et moi d'être d'accord et de se dire qu'en fait, ça va changer comme ça. Mais non, Va pas changer comme ça, mais ce genre de crise est propice à un éveil. Un éveil de dire que, tiens, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas ces mensonges-là qui sont dirigés uniquement par l'argent et par des véreux qui sont dangereux, qui nous causent de la peine et de la douleur. Il faut retourner vers une société plus saine. C'est vraiment mon idée. On termine, et voilà, docteur Bête, j'imagine, si les gens... ont écouté notre entrevue, ben, ils iront faire leurs petites recherches et on peut... bien que vous n'avez pas de site internet ni rien, vous, hein, vous êtes quelqu'un qui vous battez pour que les choses se... Comment on dit ? Je suis juste un médecin de famille de Bruxelles et je pense que ça restera comme ça. Mais j'espère aussi pouvoir le rester pour autant que je gagne mon affaire en cassation. Bon ben voilà, on est avec vous alors. OK, merci beaucoup.